Je sais comment, dès à présent, mettre un terme à ces maléfices. Il ne devrait plus bien longtemps nous tenir tête. Oui, eh bien, alors vous jouerez sa pièce. Mais voyez-vous, cela même nous rendra service. Car si Christine chante, oui, c'est sûr, il faut qu'il guette. Oui, c'est sûr, on verrouille les portes. Oui, c'est sûr que la police est là. Oui, c'est sûr qu'elle s'arme. Le rideau tombe sur sa défaite. Raoul, j'ai peur. Ne m'y oblige pas. Raoul, je crains le pire. Ne m'oblige pas à traverser les flammes. Il va m'emporter. J'en suis sûre. Nous serons séparés à jamais. À jamais, Raoul. Ce qui naguère n'était qu'un rêve, maintenant m'inquiète. S'il me trouve, je n'en aurai jamais fini. Et toujours il viendra fredonner dans ma tête. Toujours il viendra fredonner dans ma tête. Tu dis toi-même que ce n'est qu'un être humain, mais tant qu'il vit, nous vivons sous sa déchirée ainsi à l'heure décisive, comment risquer moi-même l'ultime tentative? Quand t'as trompé l'auteur de ma métamorphose, cela me fait si peur. Pourtant, il faut que j'ose, il rit de la souffrance. Ces meurtres me dégoûtent, dire non, ce serait fou. Alors, pourquoi ces doutes? Oh, quel que soit mon choix, quelle donc sera pour moi l'issue du fatal opéra? Christine, Christine, je sais que l'heure est noire. Mais tu regroupes tous nos espoirs de le vaincre. Que mon œuvre apparaît.